La déroute, grand 1. La brigade Charvet, la nôtre, formait la liaison des troupes du 16e et du 17e corps d'armée. Elle devait donc, selon toute vraisemblance, être appelée à jouer un rôle important. Le succès pouvait dépendre d'elle, mais dans sa situation intermédiaire, il y avait un premier point à établir. Il fallait savoir de qui lui viendraient les ordres. Pendant quelques heures au moins, elle avait été placée sous l'autorité immédiate du commandant du 16e corps. Le général Dorel avait en effet donné des ordres en conséquence. La brigade commandée par le général de Gensigny, dit-il dans son ouvrage sur la première armée de la Loire, avait précédé sa division et était arrivée à Patay le 1er décembre dans la nuit. Ce général se mit immédiatement à la disposition du général Chanzy, assuré dès lors de l'appui du 17e corps. Mais lorsque le général de Senlis, plus vite que les aigles, plus courageux que les lions, fut à son tour parvenu sur le théâtre des opérations, il reprit évidemment autorité sur nous. Et ce qu'il faut peut-être regretter, c'est que des scrupules aient un instant suspendu son ardeur. C'est qu'il les ait communiqués au général Chanzy. « J'ai fait mon possible, lui vint-il déclarer à 8 heures du matin, pour venir promptement à votre secours. Mais je marche avec des troupes fatiguées. Nous voilà, nous sommes ici. Mais je vous déclare que si vous avez besoin de nous aujourd'hui, il me sera bien difficile de vous satisfaire. » Avec son esprit net et précis, le général Chanzy dut être surpris de cet élan qui s'annihilait. Dans les graves circonstances qu'il traversait, il s'était contenté de répondre « Je tâcherai de me passer de vous ». Nous qui ignorions ces détails, et qui presque à la portée du canon ne ressentions plus nos fatigues, nous étions impatients de marcher et fort surpris de n'en pas recevoir l'ordre. Cet ordre, je l'attendais personnellement comme une récompense. Il faut tout dire, ce récit ne pouvant avoir d'intérêt qu'à la condition d'être sincère, comme une confession. Le matin du 2 décembre 1870, j'ai subi une humiliation profonde. Il m'a été infligé des voies de fait, et j'ai essuyé silencieusement l'outrage, et j'ai bu ma honte, par abnégation, par devoir, par amour pour mon pays. À l'aube, les distributions de vivres avaient été annoncées. Comme toujours, elles furent assez longues. Comme toujours, représentant la 18e compagnie du régiment, je fus servi le dernier, et naturellement regagné le bivouac après tous les autres fourriers. Le sous-lieutenant Houssine, l'ancien sous-officier à chevelure rouge et raide, m'accueillit en me reprochant ma lenteur. Quand, chargé pour venir en aide à mes hommes de corvée, je m'en souviens, d'une moitié de pain de sucre, je passai devant lui. Il m'allongea dans le dos sur le sac un coup de canne pour activer ma marche, comme il eût fait à une bête de somme. M'arrêtant, je vis rouge pendant une seconde. La voix du canon me sauva. Encourir le sort du caporal Tillot quand j'allais pouvoir m'exposer pour la noble cause, non. Je haussai les épaules sans plus hâter le pas, et le sous-lieutenant en fut pour une lâcheté qu'il n'eût point commise, si M. Hénard avait été là, car le capitaine rendait justice à tous. Quoi qu'il en soit, les tristes exemples qui nous avaient été donnés, à l'orge et dans la forêt de Blois, me furent ce jour-là salutaires. Ils m'enseignèrent à ronger mon frein, mais j'aspirais à me battre, à affronter le feu ennemi, pour m'absoudre à mes propres yeux de l'ignominie acceptée sans protestation. Aussi, tandis que nous attendions en armes sur le terrain où nous avions dormi, je m'efforçais de suivre des yeux, faute de pouvoir m'y mêler moi-même, les mouvements du 16e corps qui engageait vigoureusement la bataille à deux lieues vers le nord-est. Quelques nuages de fumée s'élevant lentement dans le ciel clair, voilà tout ce que nous pouvions distinguer. Le roulement ininterrompu du canon, qui grossissait par éclats, attestait l'intensité croissante de la lutte. Pendant ce temps, les autres troupes du 17e corps, que nous avions distancées la veille, arrivaient à la hauteur de Patay et défilaient devant nous. Passé la ville, les batteries se mettaient en ligne et roulaient à travers champs, précédées et suivies de l'infanterie qui se déployait aussi. En art, il y a le choix entre des procédés tout différents. Certains artistes épuisent l'émotion par l'exposé de scènes effrayantes ou horribles. D'autres préfèrent la faire naître et la maintenir en mettant l'esprit en suspens devant des tableaux ou plein de la crainte du drame qui se prépare et en épargnant à la vue les détails terribles ou répugnants. Le spectacle qui s'offrait à nos yeux avait ce caractère tempéré, saisissant quand même. Sur le fond lointain d'une réalité menaçante se détachait un premier plan pittoresque et attachant. Les artilleurs, pour gagner ou maintenir leur distance, tantôt fouettaient leurs chevaux à tour de bras, leur déchiraient les flancs de l'éperon, tantôt s'efforçaient de leur faire sentir le mort pour modérer leur emballement. Pendant ces alternatives, les pauvres servants, montés sur les caissons, se soutenaient mutuellement, de peur de tomber à chaque violente secousse que provoquaient les sillons de terre durcie. Puis une ligne rouge et bleue de fantassins, ou toute bleue des mobiles, ondulait sans désordre, offrant un front de tout jeune visage un peu pâle, qui par leur sérieux tâchait de faire aussi bonne figure que de vieilles troupes. Et le soleil brillait, non pour réchauffer les membres engourdis par une nuit glaciale, mais assez pour pailleter de fugaces étincelles le bronze des canons et l'acier des doubles rangées mouvementées de fusils. Bientôt les zouaves pontificaux mêlèrent leurs costumes gris aux autres uniformes plus voyants. Les troupes de ligne, après avoir effectué un mouvement vers la gauche, accentué par chaque brigade, s'arrêtèrent pour se refaire de leur marche ininterrompue depuis Coulmiers. Les zouaves arrivaient seulement de Saint-Péravy. Ils venaient de déposer leur sac à Patay. De Terminier arriva vers eux, au galop de son cheval bai, un jeune capitaine du génie, au teint pâle, à l'œil creusé par la veillée studieuse. De la part du général Chanzy, il venait requérir la légion du général de Charette, avec mission de la diriger sur l'est, vers le champ de bataille. Le groupe aussitôt s'agite et s'éloigne. Au milieu d'eux marchait un aumônier, auprès duquel chacun se penchait à son tour. Comme allégés au moral, ainsi qu'ils l'étaient physiquement, ils allaient, vifs, alertes, avec un fourmillement de guêtres blanches et de jaunes molletières. Ils allaient à la mort, ou plutôt, suivant le mot de leur aïeul Polyeucte, à la gloire. Cependant, le défilé continuait. Peu après le départ des zouaves, ordre nous fut enfin donné de marcher. Au commandement du colonel Coq, le régiment, formé par compagnie en colonne serrée, arrêta à l'instant le flot qui sortait toujours de Patay. Il suivit presque la même direction que la troupe de Charette, mais moins au nord. Le 51e rompait en même temps et s'avançait à notre gauche avec de l'artillerie. Sur un parcours de plusieurs kilomètres, nous fûmes tour à tour déployés en bataille sur un front de 800 mètres, puis repliés comme en terrain de manœuvre. Un éventail s'ouvre ainsi et se referme, au gré d'un caprice. Sans chercher à comprendre l'utilité de nos mouvements, nous nous appliquions à les exécuter vivement, car l'heure était venue d'avoir une aveugle confiance dans ceux qui avaient mission de nous diriger. En effet, la voix du canon ne nous arrivait plus comme un sourd grondement. Chaque coup détonnait, distinct, immédiatement suivi d'un autre. Nous apercevions non seulement le feu de la poudre, mais aussi les projectiles bourdonnant dans l'air. La fusillade crépitait sans relâche, et nous entendions un bruit d'ouragan accompagné d'éclairs qui rasaient la terre. Nous pûmes croire, pourtant, que notre appui était inutile. Tout le 48e fut massé à l'abri du village de Terminier que le général Chanzy avait désigné pour son quartier général. Tandis que sans distinguer autre chose que le sillage aérien des obus, nous nous consumions dans la fièvre d'une attente vaine. Le général du haut du clocher suivait les mouvements de ses troupes sur Loigny. Après la bataille de Coulmiers, le lendemain du combat heureux de Villepion, il avait le droit d'avoir confiance en elle. Cependant, par l'étendue et la multitude des feux de bivouac qu'il avait remarqués la veille, et par les signaux observés pendant la nuit du côté d'Orgères, il avait jugé que la résistance serait sérieuse. Au lieu d'éparpiller ses forces, il avait concentré ses trois divisions, de manière qu'elles pussent pénétrer comme un recoin dans le corps ennemi. Il avait chargé le général Michel de surveiller sa gauche avec sa cavalerie, vers Orgères, en avant des positions où le 17e corps reprenait haleine. Il pouvait, d'un autre côté, espérer qu'à l'extrême droite, le général Despalières viendrait lui donner la main. Dès 8 heures, il avait lancé sa deuxième division sur le village de Loigny. Résolument, elle s'était avancée sous les ordres du général Barry, qui, comme à Coulmiers, allait faire de l'histoire aussi noblement que son frère Édouard nous l'enseignait dissertement à la faculté de Toulouse. La première division, amiral Jaurès-Guibéry, celle qui avait enlevé si brillamment Villepion la veille, suivait de près à gauche. En même temps, la troisième, commandée par le général Morandi, devait appuyer à droite l'effort principal en attaquant Lumeau, village voisin de Loigny. Loigny emportait vivement la division Barry, poursuivit sa marche vers l'est. Mais au château de Goury, elle rencontra une résistance opiniâtre et meurtrière. Il fallut d'abord reculer, pour mieux avancer ensuite. Le parc du château fut le théâtre d'une lutte sanglante, acharnée, qui dura avec des chances diverses, mais sans répit jusqu'à la nuit. Von der Tann, qui comprenait l'importance de cette position, envoya l'une après l'autre ses trois brigades pour renforcer ses premières troupes promptement décimées. L'amiral Jaurès-Guibéry, tout en soutenant en deuxième ligne ce combat, dut faire tête sur la gauche aux troupes nombreuses qui descendaient d'Orgères, de la Maladrerie, de Tannon, et que n'arrêta pas la division de cavalerie Michel, ramenée par erreur jusqu'à Guillonville. À droite, la division Morandi se battait avec moins de fermeté, quoiqu'un régiment de mobiles fit, à Écuillon, tout près de Loigny, une défense héroïque. À midi et demi, d'après le rapport du général Chanzy, la situation devenait de plus en plus difficile. Toutes les troupes du 16e corps étaient engagées, et il n'y avait plus d'autres réserves que celles qu'offraient les troupes fatiguées de la brigade Dubois de Gensigny, en position à terminer. Convaincu qu'il avait affaire à des forces de beaucoup supérieures aux siennes, le général Chanzy se décida à faire appel au secours du général de Senlis. Malgré leur conversation du matin, je montais à cheval, fort inquiet et très fatigué, a raconté celui-ci. Je me portais en avant avec mes troupes, c'est-à-dire avec une brigade de la 2e division. Ma réserve d'artillerie, les zouaves pontificaux, les mobiles des côtes du Nord, je marchais dans la direction de Loigny. Je criais « Voilà le 17e corps qui arrive !»